On va parler avec le début de la série dans la NBA ce soir pour les Raptors de Toronto. On en parle avec Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien Pascal. Avant de commencer à parler un petit peu des séries, Raptors contre les 76ers, également, peut-être parler un peu des autres séries un peu, qu'est-ce qui t'attend? T'as mis sur les médias sociaux hier à l'annonce du décès de Mike Bossy une photo de toi et lui. Je sais que tu es encore attaché un peu à TVA Sport. TVA Sport ne fait plus de basketball. Par contre, quand il y a des matchs de basket, c'est toi qui les analyses. Et on t'appelle même pour avoir des opinions. Donc, tu as eu la chance de le fréquenter assez régulièrement, Mike Bossy. Ben écoute, c'est quand tu es dans des studios de télévision. J'ai la chance aussi de faire de la radio un peu tout ça. Tu connais pas, tu sais, c'est des gens que ça dure quelques minutes, tout ça, mais à TVA, j'ai croisé beaucoup de célébrités, puis j'ai pas toujours pris des photos. Je suis pas un genre de fan-fan, ouais. Mais Mike, voici pour moi, c'était intéressant. Écoute, ça a duré très, très. C'était short and sweet, comme on dit. Monsieur est très gentil, très généreux. Fait que c'est vraiment juste un honneur pour moi d'avoir pu avoir un cliché avec Mike Bossy. Pour moi, c'est quelque chose de spécial. Puis quand j'ai eu la nouvelle hier, tu sais, j'étais comme, je trouve ça jeune, 65 ans. Hey, c'est jeune Premièrement, en là. tabarouette, mais c'est Fait à 15 ans de moi, là, je veux dire. Ouais. Tu sais, puis T'es là, on est jeune, dans puis la tu sais, mémoire, là, c'est. Pascal. Exactement. Puis j'ai mis la photo, j'ai juste mis mon petit commentaire, repose en paix. Puis, mais tu sais, c'est plus un honneur pour moi de l'avoir croisé, puis qu'il ait pris 2 minutes, puis que, tu sais, il me dit qu'il aimait ça le basket, tout ça, fait que j'ai trouvé ça cool, tu sais, veux dire, fait que, Ouais. mais, fait que c'est une belle, quelque chose OK. d'important pour moi, puis quand j'ai eu la chance vu que j'ai eu la chance de prendre une photo, j'ai juste mis comme ça, tu sais, tranquillement, pas vite, Voilà, j'ai c'est pas une sûr. relation avec Mike Bossy, mais de l'avoir croisé, pour Ben moi, oui. c'est quelqu'un de, c'est un grand personnage de l'histoire du Québec. Non, c'est un des grands personnages. Hey, Mike, pas Mike, mais Pascal, je veux te parler de la série qui commence ce soir entre les Raptors et les 76ers, mais je veux te parler du play-in aussi. Quelle belle idée! Oui. Moi, je trouve que c'est une belle idée. Tu sais, la Ligue nationale de hockey, on se pose des questions. Tu sais, ils trouvent que le monde on trouve qu'on passe d'équipe, puis on trouve que. Mais je regarde ça, là, puis c'est pas. Moi, Play-in, c'est vraiment une bonne idée, là. je pense que ça rend la saison, les matchs sont intéressants beaucoup plus longtemps. Et les équipes en fin de saison, les équipes qui sont, comment je pourrais dire ça? Écoute, ça a pris presque l'avant-dernier match pour que les Lakers soient éliminés, là, tu sais. Là, t'avais Sacramento qui était quand même loin, là. Mais là, fait que là, au lieu d'avoir 8 équipes, comment je peux dire ça? Au lieu d'avoir seulement 8 équipes, là il y en a quasiment 12 sur les 16 de chaque conférence, sur les. Ouais, y en a comme sur les 15. Il y en a comme 12 qui jouent fort jusqu'à la fin de l'année. T'sais, je me souviens qu'avant le play-in, souvent, comme je te disais, tu sais que tu es 9e, 10e. Ces matchs-là, tu les joues contre des bonnes équipes quand même, mais ça compte pas. Là, ça compte. Fait qu'une équipe qui mettons, comme, mettons, les Lakers, ils ont joué contre Phoenix. Ils essayent de battre Phoenix parce qu'eux autres, ils veulent rester en vie parce qu'ils veulent au moins finir 10e. T'sais. Fait qu'on a passé de 8 à 10. Puis ce qui est le fun, c'est que ça donne un. La NBA, Danny, elle est smart. Ça donne un petit goût de March Madness. Ouais. Parce que c'est un match, puis t'es out. Ouais. T'sais? Fait que tu peux finir 10e, puis te rendre. Tu pourrais te rendre en finale NBA. Fait que c'est ça qui est le fun, puis je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose de bien pensé. Puis LeBron, il l'a critiqué, mais il aurait été content de pouvoir jouer ce match-là. Puis l'année passée, ils ont joué dans les play-ins des Lakers Ouais. l'an passé. Mais ça, c'est parce qu'à 30 équipes, à un moment donné, à 30 équipes, ça vient que c'est trop long. Je veux dire, c'est beaucoup d'équipes. Tu sais, il n'y a plus beaucoup d'équipes. Moi, j'aime ça que ça donne une valeur à la saison. Ben exactement, tu dis le mot magique, la valeur à la saison. C'est vraiment, je trouve ça, moi je trouve que c'est un excellent concept. Ah, regarde, puis la Ligue nationale devrait la regarder, la Ligue nationale de hockey également, pour faire la même affaire. C'est un match, hein. Puis le gagnant peut. Ce qui arrive, c'est que le gagnant peut. Le perdant du 8e, si je me trompe pas, n'est pas exclu de suite. Exactement. Fait que là, ce qui s'est passé, t'as Brooklyn qui a joué contre Cleveland. OK? Fait que Brooklyn était 7e, Cleveland était 8e. L'équipe qui gagnait ce match-là s'assurait de la 7e place. Après ça, Cleveland attend le gagnant de Atlanta, Charlotte. Atlanta qui a battu Charlotte. Fait que Charlotte, techniquement, est comme éliminée. Et là, Atlanta va jouer contre Cleveland pour déterminer qui va être à la 8e place officiellement. Non, c'est vraiment bien. Voilà, c'est vraiment une très très bonne idée. Je veux te. Donc, les Raptors contre les 76ers, écoute, ça paraît que c'est aux États-Unis, hein? Les Raptors n'ont pas beaucoup de crédit, hein? Ben, Ont pas beaucoup de respect, je te dirais. exactement. Je pense qu'ils vont surprendre Philadelphie. Jusqu'à gagner, parce que moi je pense que, écoute, ben, Moi, écoute, je pense que Toronto est capable de gagner. Je vais te donner avec toi, Danny, la bémol, te donner la victoire il y a deux barrières difficiles. Okay? Un, tu joues quand même sur la route pour commencer. Donc, Philadelphie a l'avantage du terrain. Et deux, Joel Embiid, qui va probablement être nommé le joueur de l'année, joue à un niveau encore mieux que quand Toronto les avait battus là, pour se rendre en finale NBA. Et est-ce que James Harden Va se réveiller. va se réveiller? Exactement. Mais Toronto, défensivement, offensivement, le développement de Pascal Siakam, l'équipe est prête à vraiment, là, on dirait qu'il y a eu deux saisons, mais Ben, la c'est ça, deuxième partie de la saison, avant les Toronto fêtes, est après top les 10 de fêtes. l'équipe. Exactement. Tu sais, avant les fêtes et après les fêtes, c'est pas du tout la même équipe. C'est pour ça que je te dis que ça peut aller en. Si Raptors gagnent pas, ça va être une très longue série, au moins. Ah, moi, ça sera pas quatre matchs, Danny, C'est pas un walk ça va jouer à 6-7 matchs, c'est sûr. in the park. Ouais, donc tu y vas quoi avec les Raptors ou les 76ers? 76ers? Moi, je vais aller avec Toronto En 7? en 7. Ok. Fait que dans les autres séries, qu'est-ce qu'il faut Mais dans regarder? les autres séries, la série, en ce moment, Danny, je trouve que l'Est, en général, on parle toujours de l'Ouest, OK? Je trouve que l'Est, en ce moment, là, ça va être Les Celtics difficile. qui sont en feu, Mais c'est l'équipe de écoute, la deuxième moitié de saison. Brooklyn, un, vont jouer sans Ben Simmons, mais c'est pas grave. Brooklyn sont dangereux avec Irving puis Kevin Durant. T'ajoutes Andrew Drummond qui joue super bien, le frère de Steph Curry qui joue des 3 points, Patty Mills qui joue des 3 points. Moi, je pense que Brooklyn vont surprendre Boston. Même si Boston, un peu comme Toronto en passant, a connu une super deuxième saison là. Fait que moi, je pense que Boston, ça va être très très très difficile. Miami devrait passer à travers soit Cleveland ou Atlanta. OK. Mais Milwaukee devrait. Boston-Brooklyn, moi je pense que Brooklyn va gagner cette série-là. Miami vont jouer contre la 8e place qui n'est pas encore décidée, je ne me trompe pas, là. Ça va être Cleveland ou Atlanta. Et je pense que Milwaukee devrait battre les Bulls pour la simple raison que Lonzo Ball n'est pas là. Il était blessé, donc il est out pour la saison. Donc je vois Miami gagner, je vois Milwaukee gagner, je vois Brooklyn gagner et Toronto. OK. Dis-moi, dans l'Ouest. Dans l'Ouest, écoute, pas beaucoup de compétition pour Phoenix, selon moi, là. Mais Minnesota, j'étais content de les voir. Ils ont battu les Clippers dans le play-in. Donc, Minnesota, c'est une équipe qui est quand même assez dangereuse. Entre Minnesota puis Memphis, là, ça, c'est deux équipes d'années qui sont jeunes. Moyenne d'âge de 23-24 ans, là. C'est une équipe universitaire. Athlétique, spectaculaire. Pour moi, c'est la série de la première ronde la plus excitante, Minnesota puis Memphis, parce que, comme tu as mentionné tantôt, on ne parle pas de Toronto aux États-Unis, mais c'est deux équipes qu'on ne parle pas beaucoup. Mais tu as Ja Morant, Anthony, Karl Anthony qui joue pour Minnesota. C'est des jeunes stars qui sont là. Super intéressant. Mais on va aller. Moi, je pense que Phoenix va gagner sa première ronde. Memphis, Minnesota, je peux pas te le dire tout de suite, Danny. Je pense que c'est 50-50 entre les deux. Minnesota est capable de battre Memphis. Golden State, ils vont passer à travers Denver, mais pense-y, là. C'est Golden State et Denver Nuggets. Ça sera pas facile. Si Steph Curry n'est pas de retour à 100%, les Nuggets peuvent battre les Warriors. Ouais. Et je vais dire la même chose pour Dallas puis Utah. Dans l'Ouest, une série, là, les Warriors, Curry absent. Et Luka Doncic s'est blessé dans le dernier match. Et je pense pas qu'il va même jouer le premier match. Au moins, l'avantage, c'est qu'ils ont l'avantage du terrain, mais ça sera pas facile, Utah-Dallas. C'est des premières rondes, Danny, là, qui peut avoir des surprises. C'est pas comme si les quatre premières équipes vont battre les quatre autres facilement. Il y a une meilleure parité cette année, hein? Mais je pense que l'équipe qui l'a le plus facile, selon moi, la première, c'est Phoenix. Okay. Phoenix, là, ils sont... Phoenix vont battre les Pelicans ou les Spurs facilement, là. Un des deux équipes. Fait que, selon moi, à part Phoenix, il n'y a aucune équipe qui l'a facile. Les Sixers, c'est pas donné. Je pense que Phoenix, dans l'Ouest, ça devrait être en 4-5 matchs, puis Milwaukee en 4-5 matchs, mais le reste, ça va être des séries de 6 matchs facilement. OK. Je veux te parler des Lakers. Écoute, les Lakers, c'est une équipe qui est polarisante. C'est toujours une équipe polarisante, les Lakers. Ben oui. C'est comme les Yankees, c'est comme les Canadiens au hockey. Là, c'était un roman savon cette année, hein. Écoute, là, Frank Vogel a été congédié, pas vraiment une surprise. Ce qui est surprenant, écoute, il y a deux noms qui circulent actuellement. Ben, il y a plus que ça, là, j'en ai vu deux qui m'ont marqué. Nick Nurse et Doc Rivers qui seraient sur un siège électable. Si Seven Sixers ne gagne pas, Rivers pourrait être congédié. C'est sûr que quand tu diriges les Lakers, c'est comme diriger le Canadien, c'est comme diriger ça prend un gros nom. C'est Los Angeles, c'est le gros show et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu... Nick Nurse, moi, je crois pas à ça du tout. Je sais pas... Premièrement, le gars... Il est sous contrat. Non, mais attends une seconde. Frank Vogel, l'entraîneur des Lakers, a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il est arrivé à Los Angeles. Mm-hmm. Il a pris cette équipe-là avec LeBron James et Anthony Davis. Et ils ont gagné le championnat NBA. Ouais. En 3 ans, il est plus bon. Ouais. Je m'excuse. Rob Pelinka, puis le côté des directeurs généraux, c'est peut-être pas nécessairement l'entraîneur. Il a parlé d'une nouvelle voie, tout ça. Moi, je pense que le problème, là, c'est qu'on s'est débarrassé de Frank Vogel pour dire qu'on a besoin d'une nouvelle voie, puis je trouve ça pathétique. OK? Mm. Tout le monde le sait, Danny, et toi aussi, que Russell Westbrook avait pas d'affaires là. Ouais, c'est il y a chimie. Une saison statistiquement correcte, mais il fitait pas avec cette équipe-là. Mm. Ce n'était pas le joueur que les Lakers, comme troisième vedette, c'était pas lui. C'était un country club, ça devenait un country club. Hein? Oublie Carmelo Anthony, puis il ne fitait pas. Mm. Parce que tu peux pas emmener un Russell Westbrook et pas le jouer 35-40 minutes, tu comprends? Mais il était pas bon. Il n'était pas bon pour ce groupe-là. Tu comprends, premièrement. Deuxièmement, les blessures. Danny, je te donne une équipe de hockey. Tu gagnes le championnat. Puis l'année d'après, ça va, la moitié de ta saison, tu changes de 5 partants 45 fois. Tu comprends ce que je veux dire? Anthony Davis, est-ce que c'est lui qu'on garde? T'sais, est-ce qu'on garde Frank Vogel et on échange Anthony Davis et Russell Westbrook? Puis on met du nouveau monde autour de LeBron. Puis Frank Vogel, il arrête de faire un bon travail. Fait que c'est bien que tu me dises Nick Nurse, que tu me dises Doc Rivers. Tu peux me dire n'importe qui, Danny. Personnellement, tu as besoin d'un entraîneur. Pourquoi un gros nom? Pour qu'il soit respecté par LeBron James. Est-ce que LeBron en apprend trop? Non, je ne penserais pas. Je pense qu'on en met plus sur LeBron, Danny, que d'autres choses. Okay. LeBron, là, en passant, là, il a fait ce qu'il avait à faire. OK. Il est arrivé à Los Angeles, puis il a emmené un championnat NBA à Los Angeles. Il a fait ce qu'il avait à faire. On est d'accord avec ça. Ouais. OK? Je pense que les Lakers aimeraient que LeBron devienne le meilleur compteur de tous les temps avec un uniforme des Lakers. Pas avec l'uniforme des Bulls, exemple. Tu comprends? La raison pour que j'ai des Bulls, là, il s'en allait signer devant DeRozan. Et tout le monde disait que c'est pas le bon joueur pour les Lakers. ils ont été chercher Russell Westbrook, mais c'était DeRozan qu'ils avaient besoin. Il aurait dû garder, Rondo. Exactement. Puis écoute, je vais te donner une petite anecdote, Danny, c'est pas compliqué, là. Tous les joueurs que les Lakers ont échangés ou ont coupés depuis 2 ans sont dans les séries en ce moment. OK. Oui, effectivement. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec cette histoire. En terminant, bon, des petites nouvelles de l'Alliance qui vont démarrer ces activités. Es-tu content? Je pense que tu as travaillé avec. L'entraîneur adjoint, l'entraîneur chef de McGill, qui est l'entraîneur adjoint chez Ouais, ben, je connais bien Ryan, parce que là, c'est un côté québécois local. Je suis content pour Ryan. Ça prenait. Un de mes anciens jeunes joueurs qui s'appelle Sherry Thomas qui s'en vient ici aussi. Fait que, non, regarde, Danny, j'ai un ami qui a des billets de saison, fait que je vais aller voir les matchs avec lui. Puis, regarde. Ouais. Ça va être. Espérant qu'il rende accessible plus le joueur. Ça fait 2-3 fois que je demande des entrevues, puis ça sent pas bon. Ça sent l'impact de Montréal. J'aime pas ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là. C'est quand même une ligue. C'est pas une équipe de la NBA. Là. Faut que tu rendes. Ils ont à vendre leur produit, puis rendre le joueur accessible. Exact. Puis là, ce que je me rends compte, c'est qu'en tout cas, j'ai un mauvais pressentiment, fait que, tout simplement. Fait que, ainsi de suite. Ben, Pascal, un gros merci. On se reparle à toutes les semaines à partir de cette semaine pour parler des séries dans la NBA. Fait plaisir, Danny. À la semaine prochaine. Notre ami Pascal Jobin.